Mathieu, Costa, t'es sympa. Anthony, Stéry, t'es gentil. Tu ne sais pas tenir ta langue. Tu ne sais pas faire cuire la viande. Mais ça va, quand même ça va. Parfois tu arrives à chanter. Mathieu, Costa, t'es sympa. Anthony, Stéry, t'es gentil. Car tu as de beaux yeux, artiste clown. Car tu as de beaux yeux comme une poule. Qui c'est tout un tout rien de Mathieu. Parce que on s'en gueule des fois. Même une fois, j'avais été vexé. Mathieu, Costa, t'es sympa. Anthony, Stéry, t'es gentil. Tu voudrais danser comme dans Schön, mais tu ressembles à Stéphane Bern. Ça va tout de même, tu chantes bien, tu es fort comme un artiste engagé. Mathieu, Costa, t'es sympa. Anthony, Stéry, t'es gentil. Tu m'as volé mon transat. Tu es un mammouth des Carpates. Tu es limitrophe. Limitrophe. Arrêtez. Tes sentiments sont intramuros. Le poulet est un plaisir coupable qui te représente bien. Dans la vie, on ne fait pas rien. On essaye de courir dehors. Je trouve que t'es pas très bien. Mais je trouve que t'as pas tort. Mathieu, Costa, t'es sympa. Anthony, Stéry, t'es gentil. Mathieu, Costa. Anthony, Stéry, t'es gentil. Mais.